الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن من اتقى الله نجاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أكبر النعم الله سبحانه وتعالى علينا يا أمة الإسلام إنزال القرآن العظيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واليوم أحدثكم عن سورة هي أعظم سور القرآن، سورة الفاتحة. وكفاك عظمة أن تقرأها في كل صلاة، في كل ركعة تقرأها في اليوم 17 مرة على الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. فقراءتها ركن من أركان الصلاة، فلا شأن عظيم في حياة كل مسلم. فسورة الفاتحة خير ما تحفظ من القرآن يا عبد الله، ولها منزلة خاصة من بين سور القرآن، ولها مميزات وعظمتها الخاصة. عن أبي سعيد المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال لي: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. في هذا الحديث العظيم دليل على أن سورة الفاتحة أفضل وأعظم سور القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن كله عظيم، والقرآن كله عظيم. ولاحظوا كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي سعيد، لم يخبره ابتداء ليقوى شوقه ويتطلع إلى هذه السورة. وفيه أن الفاتحة لها عدة أسماء، وهذا أيضا من عظمتها أيها الناس، لأن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى. ومن أسمائها الفاتحة، فاتحة الكتاب، لأن المصحف افتتح بها ترتيبا لا نزولا، وهي 7 المثاني لأنها 7 آيات، لأن فيها 7 آيات تثنى أي تكرر وتردد في كل ركعة من كل صلاة. ومن أسمائها القرآن العظيم لأنها اشتملت على ما اشتمل به القرآن كله مجملا من معرفة الله وتوحيده وذكر المعاد والقيامة والحساب والجزاء والعبادة وأقسام الناس وغير ذلك. عباد الله، سورة الفاتحة نور خصص به النبي صلى الله عليه وسلم، وخصصتم أنتم بها أو به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، أي جبريل كما جاء في بعض الروايات، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، أي للرسول صلى الله عليه وسلم: أبشر، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. فالفاتحة إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته. الفاتحة رقية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس يشكون من الأمراض النفسية ومن الأمراض البدنية أو من أذية الشياطين، فعالج نفسك يا عبد الله بهذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، فإنها رقية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلودغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. ففعلوا وقالوا: هل عندكم شيء؟ قال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة كاملة، حتى كأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وبه قلبه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما حصل، فقال: وما يدريك أنها رقية. الحديث رواه البخاري ومسلم. فسورة الفاتحة من أنواع العلاج النافعة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أسماء، أو أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله، أو قال: نعم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاستشعر هذا يا عبد الله إذا كنت تصلي. الله رب العزة والجبروت يتكلم بقراءتك لهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، ووجه التقسيم أن الآيات الأولى الثانية والثالثة في حمد الله والثناء عليه وذكر أسمائه الحسنى، والآيات الخامسة والسادسة والسابعة دعاء لأنفسنا، دعاء للعبد، فبهذا علاج لمن لم يجد الخشوع في صلاته يستشعر هذا المقام العظيم ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى كما أنه تكلم بالقرآن يتكلم جل وعلا. واعلموا أن من شكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة سورة الفاتحة أن نتفقه في معنى هذه السورة وأن نتعلم تفسيرها، والله الموفق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، vous savez tous, chers frères, que parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand miracle, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait entendre à Jibril et fait descendre sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand miracle qu'ait reçu un prophète est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Et sachez que la sourate la plus importante du Coran, la plus immense du Coran, celle ayant le plus de particularités et de mérites est Suratul Fatiha. Cette sourate que nous mémorisons tous et que nous enseignons en premier à nos enfants, sachez que c'est la meilleure sourate du Coran. La meilleure chose que tu aies mémorisée du Coran est Suratul Fatiha. Et suffit comme preuve de son immensité que tu la récites obligatoirement chaque jour 17 fois, et cela dans les prières obligatoires. Que dire alors de celui qui ajoute à cela des prières surrogatoires? Suratul Fatiha a donc une grande part dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de chaque musulman. Cette sourate a de nombreuses particularités et une place qui lui est spéciale d'entre l'ensemble des sourates du Coran. L'ensemble du Coran est immense et parfait. Et Suratul Fatiha a néanmoins des particularités en plus. Abu Sa'id al-Mu'alla, radiallahu anhu, nous dit, j'étais en prière à la mosquée. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'appela. Je ne lui ai pas répondu. Je ne lui ai pas répondu car j'étais en prière. Après avoir accompli ma prière, je suis allé le rejoindre et lui ai dit, au messager d'Allah, j'étais en prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu, Allah n'a-t-il pas dit dans son livre, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager, lorsqu'il vous appelle à la vie, lorsqu'il vous appelle à la vie. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ensuite, je t'apprendrai la sourate la plus immense du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Puis il l'a pris par la main, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de sortir de la mosquée, Abu Sa'id lui a dit au messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la sourate la plus immense du Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il lui a récité Suratul Fatiha. Puis il lui a dit, ce sont les sept répétés. Cette sourate, elle est sept répétés. Et le Coran immense qui m'a été accordé. de ce hadith, on tire que surat al-Fatiha est la surat la plus immense du Coran, la meilleure surat du Coran. Et remarquez la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement avec ce compagnon. Il ne lui a pas enseigné directement cette science, mais il s'est comporté avec lui de façon à ce qu'il accorde la plus grande importance à ce qui allait lui être transmis, afin qu'il immensifie cette science, qui est la science de savoir que surat al-Fatiha est la surat la plus grande du Coran. Et c'est ainsi que nous devons être, accorder la plus grande importance et considération au livre d'Allah, le Coran, et tout particulièrement à surat al-Fatiha. Parmi les choses qui nous montrent l'immensité de cette surat, sa grandeur et sa valeur, ses nombreuses appellations. Surat al-Fatiha a plusieurs noms. Parmi ces noms, Al-Fatiha, l'ouverture. Cela, car nous avons ouvert le Coran avec cette sourate. C'est-à-dire, lorsque tu ouvres le Coran, la première sourate que tu trouves, c'est Surat al-Fatiha. Non pas dans l'ordre de la révélation, comme vous le savez, ce sont les 5 premiers versets de Surat Iqra qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les noms de cette sourate, As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés. Cela, car elle se compose de 7 versets que nous récitons et que nous répétons dans toutes nos prières, et cela dans chaque unité de prière. Parmi ces noms, le Coran immense. Cela, car le sens du Coran tout entier a été résumé dans Surat al-Fatiha. Que ce soit la connaissance d'Allah, son unicité, que ce soit le retour vers Allah le jour du jugement dernier, et les comptes, que ce soit la rétribution, na'am, que ce soit le droit d'Allah sur ses serviteurs, le fait qu'on l'adore seul, uniquement, et cela d'un culte sincère, la division des gens, les gens du bien, les gens du mal. Donc cette sourate a résumé le contenu de tout le Coran. Dans un hadith, on nous enseigne que c'est une lumière particulière qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à vous-même, par extension sa communauté. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, alors que Jibril se tenait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors qu'il entendit un bruit tel un grincement de porte. Et ce bruit émanait d'au-dessus de lui. Alors Jibril alayhi salam leva la tête et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici une porte. Voici une porte qui vient de s'ouvrir. Jamais avant cela, elle n'a été ouverte. Puis il lui a dit, et voici un ange qui descend sur la terre. Jamais avant ce jour, il n'était descendu sur la terre. Ensuite, cet ange est venu et les a salués. Puis a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi et reçois une bonne nouvelle. Tu viens de recevoir deux lumières, ou réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été accordées. Jamais cela n'avait été accordé à un prophète avant toi. Surat al-Fatiha est la fin de Surat al-Baqarah. Et tu n'en réciteras pas une lettre sans qu'on te l'accorde. De ce hadith, on voit la grandeur de cette sourate, Surat al-Fatiha, et que c'est une particularité qui a été accordée à notre noble prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, falhamdulillahi rabbil alameen. Surat al-Fatiha est une ruqya, c'est une incantation. Et combien sont les gens qui se plaignent de douleurs, de maladies, que ce soit des maladies du cœur, que ce soit des maladies du corps ou des maladies psychologiques, ils viennent et demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ruqya? Est-ce que vous pouvez me donner un numéro afin de demander un ruqya? Cher frère, tu as ici un remède. Tu as ici un remède immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Surat al-Fatiha. Abu Sa'id radiallahu anhu nous dit, alors qu'un groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, ils se sont arrêtés dans un quartier parmi les quartiers des Arabes. et leur ont demandé l'hospitalité. Ces derniers ont refusé de leur accorder cette hospitalité. Plus tard, leur responsable, leur gouverneur, a subi une piqûre de scorpion. Il est tombé gravement malade. Ils ont tout fait, cherché tout remède, mais n'ont pas réussi à lui prodiguer le remède nécessaire. Alors l'un d'entre eux a dit, essayez d'aller trouver ce groupe de voyageurs et demandez-leur, est-ce qu'ils ont un remède pour notre chef? Ils se sont exécutés et ont demandé donc aux compagnons, avez-vous un remède? Car nous avons tout essayé et il n'y a rien à faire. Alors un des compagnons, radiallahu anhu, a dit, oui, j'ai un remède pour lui. Je sais faire un ruqya, mais nous vous avons demandé l'hospitalité, vous ne l'avez refusé. Je ne lui ferai donc pas ruqya, sauf si vous nous donnez en contrepartie certaines bêtes ou une part parmi les bêtes. Ils ont donc accepté. Ce compagnon est venu, a poustillonné sur la personne et a récité Sourate al-Fatiha. Il a récité Sourate al-Fatiha, les 7 versets de Sourate al-Fatiha. Cet homme qui était gravement malade s'est subitement levé et a été guéri de sa maladie. En récitant Sourate al-Fatiha, Allahu Akbar, voici les effets du Coran. Voici les effets de Sourate al-Fatiha. Donc il n'y a nulle nécessité de courir et d'attacher son cœur aux créatures, mais nous devons nous diriger entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser la demande d'aide, la demande de secours à tout autre que lui, tabaraka wa ta'ala. C'est le seul à pouvoir t'accorder la guérison, c'est le seul à pouvoir guérir tes parents, c'est le seul à pouvoir guérir tes enfants. Donc lorsque tu es touché d'un mal, lève tes mains et dirige-toi vers celui qui t'entend, vers celui qui te voit, vers celui qui a la capacité, le seul qui a la capacité de te guérir, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les compagnons sont revenus, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont raconté cette histoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, comment as-tu su que Sourate al-Fatiha était une ruqya? Comment as-tu su que Sourate al-Fatiha était une ruqya? Il a donc approuvé cet agissement. Nous devons donc nous guérir de par le Coran. Nous devons nous guérir de par le Coran. Et sachez que les effets seront plus forts lorsque la personne sera plus pieuse et lorsqu'elle aura un cœur présent et qu'elle aura pleinement confiance en la promesse de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a appelé cette sourate As-Salah. Au-Salah, naam. Il a appelé cette Sourate al-Fatiha, il l'a appelé prière. Dans un hadith à thème divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Ce qui est voulu par la prière dans ce hadith est donc Sourate al-Fatiha. Lorsque mon serviteur dit, loué soit Allah le Seigneur des mondes, Allah dit, mon serviteur me loue, proclame ma louange. Et lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit mon serviteur, fais mes éloges. Lorsqu'il dit maître du jour de la rétribution, Allah dit mon serviteur, proclame ma grandeur, al-majd, al-azama, na'am. Et lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur, et j'accorderai à mon serviteur ce qu'il m'a demandé. Lorsqu'il dit, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas ceux qui ont couru la colère, ni les égarés, Allah dit, ceci est mon serviteur, et j'accorderai à mon serviteur ce qu'il a demandé. Donc lorsque tu récites Sourate al-Fatiha, lorsque tu te trouves en prière, rappelle-toi de ce hadith. Rappelle-toi qu'après chaque verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle avec ces mots. Allah tabaraka wa ta'ala parle de par ta récitation de suratul Fatiha. Subhanahu wa ta'ala. Tout comme il a parlé de par le Coran, il parle en t'entendant réciter la plus grande sourate du Coran, suratul Fatiha. Et il y a dans cela un remède pour les nombreuses personnes qui se plaignent de ne pas trouver la quiétude, de ne pas trouver la tranquillité dans la prière, ou d'être distrait par des choses futiles dans leur prière. En méditant ce hadith, et en te rappelant lors de ta prière, qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle en ces mots, Inch'Allah ta'ala, tu délaisseras les mauvaises idées et seras pleinement concentré dans cette prière. Voici le grand bienfait qu'Allah nous a accordé, nous la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure communauté issue d'entre les gens. Fais donc partie de la reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala de ce grand bienfait d'apprendre cette sourate, de la réciter convenablement, sans faute, que tu sois un enfant, que tu sois un jeune homme, un homme, une femme ou une personne âgée, tu dois corriger la récitation de suratul Fatiha, qui est un pilier de la prière. Et il n'y a pas de honte à venir trouver une personne qui récite convenablement cette sourate et de lui dire, cher frère, corrige-moi la récitation de suratul Fatiha ou enseigne-moi suratul Fatiha. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde qu'élévation à celui qui se montre humble envers ses serviteurs. Aussi, il nous faut chercher à comprendre l'essence de cette sourate, étudier l'exégèse de cette sourate, comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans cette sourate qu'on récite 17 fois par jour, et inshallah ta'ala cela fera l'objet d'un prochain prêche. As'al Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman 'azzama kalamahu mimman 'azzama al-Qur'an mimman 'azzama surat al-Fatiha. Allahumma anfa'na bil Qur'an, اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.